Chapitre 48e. Tranquillité. N'est-ce pas Marguerite qui hérite ? Dit tout bas Edith à son mari lorsqu'ils se retrouvèrent seuls dans leur chambre, le soir du triste voyage d'Oxford. Elle avait attiré la tête du capitaine vers elle, tandis qu'elle-même se tenait sur la pointe des pieds, et avant d'oser lui faire cette question, elle l'avait supplié de ne pas s'en offenser. Le capitaine Lennox était sur ce sujet dans la plus complète ignorance. Si on lui avait dit quelque chose, il l'avait oublié. Un agrégé d'un collège peu important ne pouvait avoir grand-chose à laisser. Il n'avait jamais eu d'ailleurs l'intention de faire payer pension à Marguerite, et 250 guinées par an lui semblait une somme extravagante, d'autant qu'elle ne buvait pas de vin. Edith retomba sur ses pieds un peu triste, son roman était détruit. 8 jours plus tard, elle vint trouver son mari en sautant et lui faisant une grande révérence, elle lui dit « J'avais raison et vous aviez tort, très noble capitaine. Marguerite a reçu une lettre de l'homme d'affaires de Mr. Bell et elle est légataire universelle. Les legs particuliers se montent à environ 2 000 livres sterling et le reste à 40 000, d'après la valeur actuelle des propriétés à Milton. En vérité, et que dit-elle de cette fortune ? Oh, il paraît qu'elle savait depuis longtemps qu'elle lui appartiendrait. Seulement, elle était loin de la croire aussi considérable. Elle est très pâle et elle dit que cela l'effraie. Mais c'est de l'enfantillage et cela sera bientôt passé. J'ai laissé maman l'accablant de félicitations et je suis accouru vous tout dire. » M. Henry Lennox parut être regardé d'un commun accord comme le conseil naturel et l'homme d'affaires de Marguerite. Elle était si complètement ignorante de toutes les formalités légales qu'elle était obligée d'avoir constamment recours à lui. Il lui choisit un avocat. Il lui apportait des papiers à signer. Enfin, il n'était jamais si heureux que lorsqu'il lui expliquait ce que signifiaient tous les mystères de la loi. « Henry, lui dit un jour Edith avec malice, savez-vous comment je pense que se termineront toutes ces conférences avec Marguerite ?»« Non, dit-il en rougissant, et je désire que vous ne m'en disiez rien. »« C'est bien. Alors je n'ai pas besoin de dire à Sholto de ne pas inviter si souvent M. Montaigu à venir ici. »« Comme il vous plaira, dit-il avec un calme affecté. » Ce à quoi vous songez peut arriver ou ne pas arriver. Mais cette fois, avant de m'avancer, je veux être sûr du terrain. Invitez donc qui vous voudrez. Ce que je vais dire est peut-être impoli, Edith. Mais si vous vous en mêlez, vous gâterez complètement tout. Elle s'est montrée longtemps tout à fait sauvage avec moi. Ses airs de zénobie ne font que commencer à se fondre. Il y a en elle l'étoffe d'une Cléopâtre, s'il était un peu plus païenne. Pour ma part, dit Edith, non sans quelque malice, je suis bien aise qu'elle soit chrétienne. Je connais si peu de personnes qui le soient. Il ne fallut plus songer à l'Espagne pour cet automne, bien que Marguerite ne pût s'empêcher de désirer que quelque heureuse occasion amenât Frédéric à Paris, où elle l'aurait facilement rejoint. En place de Cadiz, il lui fallut se contenter de Cromer, car c'était là que sa tante Shaw et les Lennox s'étaient enfin décidés à se rendre. Peut-être, après tout, Cromer était-il ce qui lui valait le mieux, car elle avait surtout besoin de reprendre des forces. Parmi les espérances auxquelles il lui fallait renoncer, se trouvait celle de voir Mr. Bell expliquer à Mr. Thornton les circonstances qui avaient précédé le malheureux accident cause de la mort de Léonard. Quelle que fût l'opinion que devait conserver d'elle Mr. Thornton, elle désirait que du moins cette opinion fût basée sur une connaissance véritable de la manière dont elle avait agi et des motifs qui l'avaient influencée. Cela lui mise en repos sur un point qui l'agiterait toujours, à moins qu'elle ne prît la résolution de n'y plus songer. Il y avait maintenant si longtemps que ces choses étaient passées, qu'il n'était pas de manière possible de les expliquer, excepté celle qu'elle avait perdue par la mort de Mr. Bell. Il lui fallait donc, comme tant d'autres, se soumettre à être injustement jugée, mais bien qu'elle essayât de se raisonner en se disant que la même chose était arrivée souvent à autrui, son cœur n'en aspirait pas avec moins d'ardeur à ce que quelques jours, fussent dans bien des années peut-être, mais au moins avant sa mort, Mr. Thornton apprit combien fortement elle avait été tentée. Mais c'était là de vains désirs, des pensées oiseuses, et après s'en être bien convaincue, elle tourna toutes ses forces vers la vie qui était en ce moment devant elle, et résolut d'en accepter toutes les jouissances et d'en embrasser tous les devoirs. Elle avait coutume de passer sur le rivage de longues heures, regardant tantôt les vagues qui venaient se briser sur le sable, tantôt celles qui se soulevaient au loin et lançaient vers le ciel leurs jets étincelants. Elle entendait ainsi, sans en avoir conscience, l'hymne éternel que la nature élève sans cesse vers son auteur. Elle se sentait tout apaisée sans savoir comment. Elle restait ainsi assise sur le sable, les mains croisées, entourant ses genoux, tandis que sa tante Chaud faisait de petites emplettes et qu'Edith et le capitaine se livraient à de lointaines excursions sur terre et sur mer. Les nourrices qui passaient et repassaient devant elle, faisant jouer leurs enfants, se demandaient tout bas l'une à l'autre ce que Miss Marguerite pouvait regarder ainsi, pendant si longtemps, jour après jour. Et lorsque la famille se rassemblait pour dîner, Marguerite était silencieuse et si absorbée qu'Edith la déclara stupide et accueillit avec acclamation la proposition que lui fit son mari d'inviter Henry à venir passer 8 jours à Cromer lorsqu'il reviendrait d'Écosse. Mais pendant ce temps, la réflexion permettait à Marguerite de voir les événements sous leur jour réel, de leur assigner leur place véritable, de se rendre compte de leur cause et de leur signification, dans l'avenir comme dans le passé. Les heures passées sur le bord de la mer n'étaient pas perdues, comme eût pu s'en apercevoir facilement toute personne qui eût su lire sur la physionomie de Marguerite. Henry Lennox fut frappé du changement. « La mer a fait un bien immense à Miss Hale, à ce qu'il me semble, » dit-il, lorsque celle-ci quitta la chambre pour la première fois après son arrivée à Cromer. « Elle a 10 ans de moins qu'elle n'avait à Londres. » « C'est le chapeau que je lui ai acheté, » s'écria Edith triomphante. « J'ai tout de suite vu qu'il lui irait merveilleusement. » « Je vous demande pardon, » dit Mr. Lennox, du ton moitié dédaigneux, moitié indulgent qu'il avait généralement avec Edith. « Mais je crois connaître la différence qu'il y a entre les charmes d'un chapeau et ceux d'une femme. Ce n'est pas un chapeau qui eût pu rendre les yeux de Miss Hale si brillants et cependant si doux, ses lèvres si colorées, et son visage si reposé et si satisfait. « Elle ressemble à mieux encore, » ajouta-t-il en baissant la voix. « Elle ressemble à la Marguerite Hale de Helstone. » Depuis ce jour, cet homme habile et ambitieux dirigea tous ses efforts vers la conquête du cœur de Marguerite. Il aimait sa douce et fière beauté. Il connaissait la portée latente de son esprit qui pourrait, il le pensait du moins, être amené à s'intéresser à tous les objets qui l'intéressaient lui-même. Il ne regardait sa fortune que comme une partie du caractère complet et superbe qui lui appartenait. Cependant, il se rendait compte que cette fortune lui serait d'un grand secours pour s'élever plus rapidement. Il espérait conquérir des honneurs et une réputation au moyen desquels il s'acquitterait un jour amplement vers elle de cette première avance de fortune. Il avait été à Milton pour affaires relatives à sa propriété en revenant d'Écosse, et avec le coup d'œil prompt et exercé de l'homme de loi toujours prêt à tenir compte des probabilités et à les peser, il s'était bien vite aperçu de la valeur croissante des maisons et des terrains qu'elle possédait dans cette ville riche et prospère. Il était heureux de voir que ses relations actuelles avec Marguerite, devenue sa cliente, effaçaient graduellement chez elle le souvenir de cette malheureuse soirée de Helstone. Il avait comme conseil légal mis l'occasion de la voir en particulier, outre celle qui naissait de leur rapport de famille. Marguerite n'était que trop disposée à l'écouter lorsqu'il lui parlait de Milton, bien qu'il n'eût vu aucune des personnes qu'elle connaissait particulièrement. C'était la coutume de sa tante et de sa cousine de parler de Milton avec éloignement et avec mépris. Et Marguerite avait honte de se rappeler qu'elle avait éprouvé et exprimé les mêmes sentiments pendant les premiers temps de son séjour dans cette ville. Mais Mr. Lennox allait presque au-delà de Marguerite dans son appréciation chaleureuse de Milton et du caractère de ses habitants. Leur énergie, leur puissance, le courage indompté avec lequel ils luttaient contre tous les obstacles, le feu sombre qui animait leur existence, avait captivé son attention, excité son intérêt. Il ne se lassait pas de parler d'eux, et il n'avait jamais remarqué combien étaient égoïstes et matériels plusieurs des résultats qu'il se proposait pour but dans ses efforts incessants, dans ce travail sans relâche, jusqu'à ce que Marguerite lui eût signalé ce vice corrupteur de tant de qualités nobles et admirables d'ailleurs. Néanmoins, quand la conversation languissait, quand Miss Hale ne faisait plus à ses questions que de courtes réponses, Henry s'aperçut qu'une réflexion sur quelques particularités du caractère des habitants du Darkshire était un sûr moyen de ranimer soudain son attention et sa vivacité. Lorsqu'ils revinrent tous à Londres, Marguerite mit à exécution une des résolutions qu'elle avait prises au bord de la mer, celle d'arranger sa vie comme il lui convenait. Avant de partir pour Cromer, elle s'était montrée aussi docile aux décrets de sa tante que si elle eût été encore la petite étrangère effarouchée qui, 12 ans auparavant, s'était endormie à force de pleurer dans la nurserie de Harley Street. Mais elle s'était dit, dans ses heures de solennelle méditation, qu'elle rendrait un jour compte de sa vie et de l'emploi qu'elle en avait fait, et elle s'efforça de résoudre ce problème, le plus difficile de tous pour les femmes, c'est-à-dire de savoir ce qu'elle devait à l'autorité et jusqu'à quel point elle devait conserver sa liberté d'action. Mrs. Shaw avait un excellent caractère, et Edith avait hérité de cette charmante qualité domestique. Quant à Marguerite, la promptitude de son intelligence et la vivacité de son imagination la rendaient quelquefois impatiente, et l'isolement de toute sympathie où elle s'était trouvée de bonne heure l'avait rendue orgueilleuse. Mais elle avait une douceur de cœur indéfinissable et tout enfantine qui autrefois la rendait irrésistible, même dans ses rares moments de caprice et d'obstination. Et maintenant qu'elle était adoucie par ce que le monde appelait sa bonne fortune, sa tante fut obligée de céder au charme de ses manières et de lui concéder le droit de vivre selon ses idées de devoir. « Seulement tâche de ne pas devenir masculine, » dit Edith d'un ton suppliant. « Maman veut que tu prennes un des valets de pied pour toi et je ne demande pas mieux, je t'assure, car ce sont de grands fléaux. Seulement, pour l'amour de moi, chère Marguerite, tâche de ne pas devenir masculine. C'est la seule chose que je te demande. Valet de pied ou non, ne deviens pas masculine. » « N'aie pas peur, Edith. Je te promets de m'évanouir dans tes bras pendant le dîner des domestiques à la première occasion. Et alors, pendant que Sholto jouera avec le feu, que Baby criera de toutes ses forces, tu commenceras à désirer une femme un peu masculine et capable de se tirer d'affaire dans toutes les circonstances. Et tu ne deviendras pas trop sainte pour plaisanter et pour être un peu gaie. » « Non, certainement. Je serai plus gaie que je n'ai jamais été, maintenant que je vivrai à ma guise. » Et tu n'auras pas l'air d'une caricature. Tu me laisseras t'acheter tes robes. Mais j'entends bien les acheter moi-même. Tu viendras avec moi si tu veux, mais personne ne satisferait mon goût que moi-même. Oh, j'avais peur que tu ne voulusses t'habiller en brun et en couleur poussière, afin qu'on ne vit pas la crasse que tu ramasseras dans tous ces taudis. Je suis bien aise de savoir que tu conserveras quelque goût pour les vanités en souvenir du vieil Adam. Je serai toujours la même, Edith. Je voudrais que ma tante et toi vous en fussiez persuadés. Seulement, comme je n'ai ni mari ni enfant qui m'impose des devoirs naturels, je te demande la permission de m'en créer d'autres que celui de m'acheter des robes. » Dans le conseil de famille composé d'Edith, de sa mère et de son mari, qui fut tenu sur ses entrefaites, on décida que tous ces nouveaux plans n'en assuraient que mieux Marguerite à Henry. Edith et le capitaine éloignèrent sans rien dire ceux de leurs amis qui pouvaient avoir des fils et des frères éligibles. Et ils remarquèrent avec satisfaction que Marguerite ne semblait prendre plaisir dans aucune autre société que celle de Henry, en dehors de la famille. Les autres admirateurs qu'avait attiré sa beauté ou sa réputation de fortune, découragés par son indifférence, allèrent offrir leurs hommages à des beautés moins dédaigneuses ou à de plus riches héritières. Henry, elle, devenait peu à peu plus intime et plus familier, mais ils n'étaient pas gens à s'offrir la moindre remarque sur leur manière d'être.